La semaine dernière, il y a eu évidemment le point culminant du dossier des casseurs de Dolbeau. Il y aura une équipe finalement de Midget A, une équipe de Midget B. Pour en savoir davantage, on parle avec le président du hockey mineur de Dolbeau-Mistassini, Danny Lavoie. Salut Danny. Salut Danny, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui Danny, jeudi soir finalement, après plusieurs tentatives, après des téléphones faits avec des joueurs de Saint-Félicien, qui ont été retranchés du Marcos Pub. Finalement, il n'y aura pas d'équipe Castor cette année. Non, il a fallu se rendre à l'évidence que pour nous, cette année, ce ne serait pas possible de maintenir les Castors en place. Donc, ça va être une suspension des activités des Castors Midget BB pour une année. On sait très bien que l'année prochaine, là, avec les jeunes qui vont monter du Bantam puis le retour des vétérans Midget de cette année, ben, on va être capable, puis sans problème, de mettre l'édition des Castors Midget BB sur la glace l'année prochaine, il n'y a pas de trouble. Pour cette année, effectivement, là, on a fait ce qu'on avait à faire. Écoute, Saint-Félicien nous ont soumis la liste des joueurs qui avaient le potentiel de venir jouer ici, donc les derniers retranchés du Marcos Pub. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à contacter la plupart de ces joueurs-là, excepté que c'était des refus catégoriques. Là. Okay. Ils n'étaient pas intéressés à venir jouer ici. Puis les raisons étaient très valables. Là. On parle du refus de voyager, de préférer rester jouer Midgetta avec leurs amis aussi, parce que les derniers retranchés du Marcos Pub, il y en avait beaucoup qui étaient de calibre 2B, qui avaient évolué. Il y avait même des vétérans de la dernière édition du Marcos Pub qui avaient été retranchés. Fait que pour eux autres, là, c'était vraiment de vouloir rester jouer ensemble là, dans le Midgetta là-bas, d'être compétitif, d'être plus fort, puis d'éviter le voyagement, puis les coûts associés à venir jouer avec les Castors aussi, parce que ça représente quand même une somme d'argent importante là, pour évoluer dans le double lettre. Fait que toutes ces raisons-là mises ensemble fait qu'on est obligé de dire bon ben ça sera pas possible pour cette année. Okay. Mais on peut dire quand même, regarde, les efforts ont été mis pour présenter une équipe des Castors. Mais, regarde, on est déçus, mais on sait aussi que c'était la bonne chose à faire. Là. On ne voulait pas remplir des chandails puis aller mettre les jeunes là, dans des positions où il n'y aurait pas eu de plaisir à jouer au hockey puis s'arrêter des saisons difficiles pour eux autres. Okay. Là, le défi, j'imagine, c'est de revenir dès l'an prochain. Oui, mais ça, c'est déjà acquis là, que l'équipe va être présente l'année prochaine. Là, là okay. Cette année, écoute, juste pour te donner une idée, là, au niveau du Midgetta, avec les joueurs qui risquent de revenir l'an prochain puis ceux du Bantam... des deuxièmes années qui vont monter l'année prochaine du Bantam, ben on sait déjà que le calibre va être là. Okay. On sait déjà qu'on n'aura pas de problème à présenter ça. Puis cette année, l'entraîneur du Midgetta, Sylvain Tremblay, a déjà prévu là, dans son programme, dans son plan de saison au niveau des entraînements, de garder un niveau élevé au niveau compétitif pour permettre aux jeunes de garder un certain niveau puis d'être prêts l'année prochaine. Parce que souvent le défi, là, Danny, c'est quand tu sautes en année, c'est de revenir. C'est ça le défi, là. Oui. Hein? Il faut vraiment s'assurer que du côté du hockey mineur, que l'an prochain, là, cette flamme-là va être là. Puis c'est pas parce qu'on a sauté une année qu'on ne viendra pas, là. Non, puis de toute façon, là, la manière dont ça se joue au hockey présentement, là, on a eu les changements avec les mises en échec qui sont arrivés il y a 2 ans. Les jeunes ont des capacités d'adaptation assez phénoménales. Okay. Ils vont être capables de reprendre le niveau assez rapidement. Comme je te disais, là, on en a plusieurs que cette année, ils vont jouer dans le Midgetta, mais on sait que le Midgetta, il va être assez compétitif aussi au niveau de la région, il va être très fort. Fait que de façon normale, là, le calibre va être relevé de lui-même, là, de par okay. la compétitivité des autres joueurs. Fait que, puis en plus, ben, avec le programme de saison que Sylvain Tremblay va préparer, ben, le niveau va être assez élevé. Puis on a beaucoup, beaucoup de vétérans là, dans le Bantam 2B cette année qui vont monter l'année prochaine, puis qui sont de calibre Midget 2B. Là. Fait que ça, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc, le rythme va se reprendre assez rapidement, puis l'équipe va être compétitive. OK. Moi, il y a des gens qui... Parce que j'ai suivi le dossier de très, très près. Tu l'as vu, là. Il y a des gens qui me disent oui. qu'ils l'ont vu venir. C'était facilement décevant, mais on savait que ça allait faire ça. Est-ce que dans ouais, votre... C'est très prévisible. Ouais, dans votre boule de cristal, là, dans une couple d'années, là, cette cohorte-là, est-ce que la cohorte est assurée? Là? Vous pouvez le voir venir, d'abord. Est-ce que mec, ça redécolle, ça va décoller pour plusieurs années? Oui, ben si on regarde juste avec le niveau d'inscription qu'on a là, pour les okay. prochaines années, quand on parle de notre degré d'inscription novice, atome, puis oui, les cohortes sont quand même bonnes. OK. Si on réussit à garder nos jeunes au hockey mineur, il n'y aura aucune inquiétude à savoir pour présenter des équipes là, dans le midget 2B dans les années futures. C'est okay. sûr que ce qui nous fait peur un peu, c'est toujours les structures intégrées et les programmes scolaires qui viennent de temps en temps nous chercher des joueurs. Mais ça, on est obligé de vivre avec ça. Là. OK. Mais okay. pour l'instant, dans les prochaines années, là, on ne voit pas directement d'inquiétude. OK. Si on parlait maintenant des épreuves de Normandie, quelqu'un, c'est sûr que ça ne touche pas le hockey mineur, mais quelque part, c'est... Penses-tu que ça, il pourrait y avoir des problèmes avec les éperviers parce que ça pourrait s'en venir de ce côté-là aussi là. Ben, je pense que ça va les affecter. Mais okay. par contre, je me dis que les autres, le bassin de recrutement est plus large que le nôtre. Ouais, il y a Chougamau aussi. Ouais. Il va aller toucher d'autres régions un peu. Fait que là, oui, je pense que ça va les affecter l'année prochaine ou dans deux ans, c'est certain. Mais moi, j'espère que de par leur territoire de recrutement, ils vont être capables d'aller chercher des joueurs quand même pour essayer d'être compétitifs et de présenter des éditions qui se respectent. OK, OK. Donc, c'est pas de gaieté et de cœur, mais ça a pas, est-ce que ça a pas assez proche? Parce que ce qui est arrivé, c'est eu un désistement. Hein? Puis ça n'a pas aidé non plus. Oui, ben c'est sûr que de perdre des joueurs, d'avoir des joueurs qui sont restés au niveau du juvénile allemand, puis ouais. des vétérans qui sont pas revenus en raison des études, c'est tout. Tout est arrivé en même temps. Là. D'habitude, on sait que ça arrive. On en perd un ou deux, mais un groupe comme ça, là, de plusieurs vétérans qui sont pas revenus, puis ça nous a fait mal. Puis étant donné que cette cohorte-là qui montait était la cohorte la moins nombreuse depuis plusieurs années, mais tout est arrivé en même temps. Fait que ça nous a pas aidé. Puis oui, on savait que ça allait être très difficile de présenter une édition, mais jusqu'à la fin, on a essayé de le faire quand même. Mais là, quand on s'est rendu compte que c'était plus possible, là, c'est sûr que là, on a... Avec Hockey sur la glace, on a dit là, c'est assez de faire des efforts là, pour quelque chose qu'on sait qui aboutit pas. Là. Donc, il faut se rendre à l'évidence. On est mieux de présenter un A puis un B. Puis, il faut reconnaître que les jeunes vont être dans le bon calibre puis vont quand même avoir du plaisir. Alors, écoute, on a rencontré tous nos jeunes. Les parents ont été avisés aussi. Tout le monde comprend la situation. On leur a demandé de se motiver quand même, qu'on allait faire pour qu'ils soient motivés. Puis, on leur a expliqué que le calibre allait être assez relevé quand même parce que tu regardes là, juste à Marco Sport, puis on va trancher 7 joueurs qui avaient évolué 2B auparavant. Donc, ça veut dire qu'ils ont un potentiel de midgetta très, très fort. C'est un peu la même affaire aussi avec Saint-Denis, Jonquière, ces endroits-là qui ont quand même des équipes assez relevées. Fait que le calibre va être là quand même. Okay. Ça va être compétitif. OK. Ben, Danny, la semaine prochaine, j'aimerais ça refaire un tour avec toi des autres équipes parce que là, on a parlé beaucoup des castors, oui. puis on fera le bilan. Oui, il n'y a pas juste le midget, il y a l'atome, et puis oui, comment ça va, puis ainsi de suite. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse le bilan la semaine prochaine de tout ça. Absolument, avec plaisir. L'instructeur, mais le président du hockey mineur de Dolbeau-Missassini, Danny